ses morts, d'un corps coulé dans son corps. Guéri, se perdant des lits moches et sales, pour juste un peu de réconfort. Guéri, ça fait mal. Guérir de ces bras secs qu'on élague, de ce prénom comme un tag. Guérir. D'être plus vite qu'un terrain vague. Guérir se fait seul. Se fait seul. Attendre triste à en rire, guérir.